soirées bougeant et des boires des alcooliques du comptoir. Touche noire pour les coups de cafard, touche blanche qui danse en cadence. Ouais. Une rose rouge à la boutonnière du pianiste laisse échapper dans l'air un petit coup. Ambiance feutrée sur rang de fumée, lumière tamisée des fins de soirée, versant les clients chaque soir, épongeant les déboires des alcooliques du comptoir. Touche noire pour les coups de cafard, touche blanche qui danse. Et lorsqu'il pleut sur les trottoirs de la capitale, moi je préfère venir ici, me mettre à l'abri, m'asseoir à une table et prendre un verre au bar. Ils peuvent rire lorsqu'ils parlent de leur lieu branché, ce genre de club à la mode où l'on s'entend à peine parler. Et même s'il paraît qu'ici c'est démodé, rien ne vaut l'ambiance ringarde. Génial ça.